faune resterait qu'août, décembre. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête au bout décembre. Tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre, c'est à laisser ou à prendre. Joie et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre. Dites-moi, passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien sûr de comprendre. Amour cruel, comme un duel. Choix des armes, au service des larmes, pensez-y, pensez-y, et qu'on soit que c'est un amour à la vie. Quoi? De notre amour fin resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu préfères mourir que de te rendre. Va donc savoir. Va comprendre. Amour cruel, comme un duel, dos à dos et sans merci tu as le choix des armes. C'est lui des larmes. Pensez-y, pensez-y, et qu'on soit que c'est un amour à la vie. Resterait que descendre. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu me dis que tu ne vaux pas la corde.